Alors, les machines, non. Les machines, elles tournaient pas en permanence. Les machines, elles tournaient comme tourne n'importe quelle industrie. C'est-à-dire, bon, allez, en gros, de 8h à midi, enfin, à midi, on l'arrêtait pas entre midi et 2, parce que pour arrêter un moulin, c'est lourd. Pour le mettre en marche, c'est lourd aussi. Donc, allez, de 8h du matin à 6h du soir, en période creuse, hein, c'est-à-dire au printemps, à l'automne et l'hiver. Mais pour pouvoir continuer à livrer les boulangers l'hiver, alors qu'il était nécessaire que nous les livrions, eh bien, il fallait travailler pendant toute la période estivale, 24 heures sur 24, parce que la population doublait, voire triplait dans la vallée. Or, si on avait laissé tomber les boulangers pendant l'été, il est bien évident que l'hiver, ils auraient trouvé un autre fournisseur. Donc, on tournait, bon, pas au ralenti, mais enfin, on faisait des journées quasiment normales, quoi, de 8h à 10h, en période relativement creuse, par contre, pendant la période estivale, pendant l'été, on tournait 24 heures sur 24. Et on se relayait, mon père et ma mère se relayaient de façon à le surveiller. En fait, quand un moulin tourne, il n'y a pas une grosse surveillance à assurer. Mais il faut quand même être vigilant parce que le moulin peut s'engorger.